Le vol de Philemore Terrace par Emma Orczy. Chapitre 1er. M'attendais-je, ce samedi, à trouver le vieil homme dans son coin, je ne sais. Mais quand, parvenu à ma table près de la fenêtre, je vis qu'il n'était pas là, mon désappointement fut vif. Je savais bien que vous ne seriez pas longue à venir, dit près de moi une voix tranquille. Je faillis tomber de surprise. D'où diable venait-il de jaillir? Je n'avais pas entendu le moindre bruit, et pourtant il était là, dans son coin, me regardant de ses petits yeux fébriles, et maniant nerveusement son cher morceau de ficelle. Il commença par me vanter les mérites du régime végétarien. La serveuse lui apporta un verre de lait et du fromage. Il mangea en silence, la ficelle gisant immobile à côté de lui sur la table. Quand il eut fini, il fouilla dans sa poche et en sortit son portefeuille. Il plaça devant moi une petite photographie. « Ceci vous montre l'arrière des maisons de Philemore Terrace. De ce côté, elle donne sur l'impasse d'Adam et Ève. » Je considérai la photographie de ce coin du quartier de Kensington, puis mon regard, plein d'attente, se reporta sur le bonhomme. « Vous remarquerez que les jardinets, bien alignés et tous semblables, qui accompagnent l'arrière de ces maisons, n'ont d'issue que sur cette impasse. Celle-ci a la forme d'un F capital ou d'une potence. » La courte ligne horizontale du haut donne dans la rue haute et la longue ligne n'a aucune ouverture. Elle forme donc nettement une impasse. Elle est bordée d'un côté par les jardins, de l'autre par des écuries. Le 15 janvier, à l'aube, l'agent D-37, entrant dans l'impasse d'Adam et Ève, venant de la rue haute, remarqua un individu suspect qui se traînait à l'abri de l'ombre du mur des jardins et dans la direction du cul-de-sac, c'est-à-dire vers le bas de la longue ligne du F. D-37 le suivit sans bruit, en se dissimulant aussi dans l'ombre. Il l'avait presque rejoint quand un homme, vêtu seulement de sa chemise de nuit, fit irruption dans l'une des deux dernières maisons, le numéro 22 de Philemore Terrace. Puis, avant que D-37 ait eu le temps d'intervenir, il se rua sur l'individu suspect et roule avec lui sur le pavé en hurlant « Au voleur! Au voleur! À l'aide! La police! La police !» L'agent eut du mal à arracher le rôdeur des mains du furieux, et plus de mal encore à se faire entendre. « Allons, ça va bien. Laissez ce type tranquille et n'éveillez pas tout le monde à cette heure de la nuit. » Finit-il par dire, en donnant à l'homme en chemise une vigoureuse bourrade. Le rôdeur s'était relevé et n'essayait pas de fuir, se rendant évidemment compte qu'une tentative de ce genre serait inutile. L'homme à la chemise, essoufflé mais toujours en fureur, se mit à balbutier. « J'ai été volé, volé. Moi, c'est-à-dire mon maître, M. Knopf, le secrétaire ouvert, les diamants partis, tous, à moi confiés et dérobés maintenant. Voilà le voleur, je le jure. Je l'ai entendu il n'y a pas 3 minutes, et je me suis précipité en bas. La porte était forcée. J'ai couru à travers le jardin, et cet individu se glissait encore par ici. Au voleur, la police, les diamants. Agent, ne le laissez pas partir, je vous rends responsable. » « Allons, assez de tapage, » ordonna l'agent D-37. D'ailleurs, l'homme en chemise se calmait peu à peu. « Vous allez arrêter cet homme, n'est-ce pas ? » demanda-t-il. « Pourquoi ? Pour vol avec effraction, il doit avoir les diamants sur lui en ce moment. »« Ouais, monsieur Knopf. Absent. Il est parti à Brighton la nuit dernière en me laissant la garde de la maison. Et voilà que ce voleur est venu et... » Le rôdeur haussa les épaules et, sans dire un mot, retira tranquillement son veston et son gilet qu'il tendit à l'agent. L'homme en chemise les saisit précipitamment et en retourna les poches. Comme le rôdeur, avec solennité, commençait à ôter sa culotte, une voix hilare se mit, de l'une des fenêtres, à émettre des remarques facétieuses. « Allons, assez de sottises, » dit sévèrement D-37. « Qu'est-ce que vous faisiez ici à cette heure de la nuit ? » Les rues de Londres ne sont-elles pas à toute heure ouvertes au public ? « Mais celle-là ne mène nulle part, c'est une impasse. »« Alors je me suis trompé de chemin, voilà tout, » grogna l'homme. « Et maintenant vous allez me laisser fiche le camp, n'est-ce pas ?» À ce moment, deux autres agents parurent à l'angle de la rue. D-37 n'était nullement disposé à perdre de vue le rôdeur. Quant à l'homme en chemise, il avait failli se jeter encore au collet de celui-ci à la seule idée qu'on pourrait le laisser fiche le camp. Il fut décidé entre les gens que Robertson, tel était le nom de l'homme en chemise, rentrerait s'habiller tandis que D-37 attendrait l'inspecteur et le détective qui, prévenu par D-14, viendrait aussitôt du poste de police. Les dents du pauvre Robertson claquaient de froid. Il se mit à éternuer violemment en rentrant à la maison avec D-37. Ce dernier reste avec l'autre agent pour surveiller la maison cambriolée, l'un à la porte d'entrée, l'autre à la porte de derrière, tandis que D-14 s'enfuit au poste emmenant le rôdeur.